J'avais même pas fini ma clope. On était mal couchés dans le fond de la boîte de ton pick-up. Je faisais ma chatte, ma farouche. Mais c'était pas